Donc bonjour, et nous allons continuer ce matin l'étude du chapitre 13, qui est le début de ce qu'on appelle communément les missions pour atteindre les non-croyants et les non-croyants non-juifs. Donc c'est à partir de chapitre 13 que nous voyons l'expansion de l'Église parmi les non-juifs. Nous allons commencer par la prière afin que Dieu puisse se glorifier. Notre Père du ciel, sans toi, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures. Sans ton Esprit Saint, l'être humain est incapable de concevoir Dieu, incapable de concevoir la vérité. Donc, nous avons besoin de toi afin que tu nous conduises ce matin encore une fois dans toute ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je résume un petit peu. Nous avons vu au début du chapitre 13, le Saint-Esprit qui organise la mission. Il va dire à l'Église, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas, ou Barnabas et Saul, afin qu'ils puissent accomplir la mission que moi, je les ai appelés. » Donc, laissez-la partir afin qu'ils puissent aller répandre l'Évangile dans les pays non évangélisés, dans les pays où est-ce que la majorité, c'est des non-juifs. Donc, l'Église accepte ce départ et ils vont démontrer leur approbation en imposant les mains à ces hommes-là. Non pas qu'ils les mettent à part, parce qu'ils avaient déjà été mis à part, non pas qu'ils leur donnent leur bénédiction, parce qu'ils ont déjà la bénédiction de Dieu, donc ils vont, mais ils démontrent ainsi leur approbation. Je le répète, l'imposition des mains était quelque chose de culturel, donc il ne nous est pas demandé par Dieu de faire cela. Ceux qui veulent le faire le font, mais disons-nous bien que c'est culturel. Dans notre culture, l'imposition des mains n'existe pas, et je suggère personnellement qu'on démontre notre approbation d'une autre façon que l'imposition des mains, qui va être plus logique avec notre culture et notre génération. Ce matin, nous allons voir que le Saint-Esprit n'a pas juste mis à part Barnabas et Saul, mais il va aussi les diriger. Il va aussi les accompagner et les soutenir dans l'œuvre qu'il leur a demandé de faire. Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose et nous abandonner. Il est toujours avec celui qui l'a appelé. Comme Jésus a dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, ce n'est pas surprenant que l'Esprit-Saint fasse la même chose. Donc, lisons ensemble à partir du chapitre 13, verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne serais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc ici, le Saint-Esprit les a choisis, mais au verset 4, nous montrons que le Saint-Esprit va les diriger. Ils ont été envoyés par eux autres, ils ont été choisis et envoyés par le Saint-Esprit. Donc, ils vont descendre et ils vont se rendre sur l'île de Chypre. Et en arrivant sur l'île de Chypre, donc, comment le proconsul a-t-il entendu parler d'eux autres? Qu'est-ce qui s'est passé dans les synagogues des Juifs pour que le proconsul entende? Est-ce que c'était à cause que c'était petit et comme dans toutes les petites villes, tout se sait facilement? Est-ce que Paul avait déjà, Saul, excusez, et Barnabas avaient déjà fait quelque chose de spectaculaire, comme des miracles? On ne sait pas. Mais, en arrivant à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Il semble que ce faux prophète-là était un conseiller du proconsul, était peut-être quelqu'un qui, le proconsul, demandait des conseils ou demandait de l'aide. Est-ce qu'il demandait de l'aide au prophète, un faux prophète, mais au prophète? Demandait-il au magicien de faire quelque chose? Peut-être les deux. On voit que c'était souvent la coutume, comme ce l'est de plus en plus aujourd'hui. Peut-être que ça vous surprend, mais de plus en plus aujourd'hui, on entend et on lit que beaucoup de gouvernements demandent de l'aide de médiums pour diriger leur pays. Mais le proconsul veut entendre la parole de Dieu. Il y a un intérêt. Et il fait venir Barnabas et Saul pour entendre la parole de Dieu. Donc, il est ouvert. Qu'est-ce qui l'a amené à être ouvert? Le texte ne nous le dit pas. Mais une chose que le texte nous dit, c'est que Élymas fait objection, fait de l'opposition, veut empêcher le proconsul d'écouter la parole de Dieu et de se convertir. Et là, on voit Saul, qui va prendre le nom ici de Paul, qui est rempli du Saint-Esprit, donc guidé par l'Esprit, contrôlé par l'Esprit, rempli du Saint-Esprit, donc avec la puissance du Saint-Esprit en lui. Il va dénoncer cet homme-là comme étant un fils du diable, un homme mauvais, plein de ruses, plein de fraudes, plein d'injustices. Et il va le confronter, il va le dire, à cause de cela, tu vas être aveugle pour un temps. Et immédiatement, il devient aveugle. Immédiatement, il va plus voir clair. Et c'est marqué, à cause de cela, ou en voyant cela, le proconsul est frappé et il croit. Il croit à la doctrine du Seigneur. Paul ici donne de la crédibilité à la parole de Dieu, à son enseignement, par un miracle. Je suis certain que si on avait été là et qu'on avait assisté, nous aurions aussi été frappés ou impressionnés par le miracle d'un homme qui voit clair et tout d'un coup, quelques secondes après, l'homme est aveugle. Il ne voit plus clair. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Premièrement, l'Esprit Saint était avec Paul. Et c'est l'Esprit Saint qui l'a appelé, l'Esprit Saint qui l'a envoyé, et l'Esprit Saint qui lui donne la sagesse, l'intelligence, la puissance pour agir. selon les besoins du moment qui sont devant Paul et devant Barnabas. Deuxièmement, ça nous démontre la supériorité ou la suprématie de Dieu sur la magie, sur le diable, parce que Paul dit qu'il était un fils du diable, sinon pas que le diable avait couché avec une femme pour avoir un enfant, mais il fonctionnait comme le diable, il avait les pensées du diable, il était plein d'injustice, plein de fraude, plein de ruse, donc il agit comme le diable, donc on l'appelle fils du diable. Et il démontre, un peu comme Jésus a démontré sa supériorité sur le diable, en chassant les démons, en chassant les esprits mauvais. Ici, Dieu donne de l'autorité à Paul, en donnant à Paul une plus grande puissance ou de l'autorité sur un magicien, sur un faux prophète. Tout de suite au commencement du ministère de Saul, qui va être appelé à partir de maintenant Paul, tout de suite, l'auteur, qui est Luc, nous donne de comprendre que cet homme, Paul, qui va être l'acteur principal du restant des Actes des Apôtres, est un homme choisi de Dieu, un homme rempli d'Esprit Saint. Un homme que la puissance de Dieu habite, un homme que Dieu utilise ou que le Saint-Esprit va utiliser. Donc, même ici, le proconsul, qui est un homme intelligent, pas pour rien qu'on dit ça, il a vu en Paul un homme crédible, un homme qui parle de la part de Dieu. Et je crois que ça peut parler à Théophile, qui lui aussi est pas un juif, qui lui aussi est une autorité parmi les Romains. Il dit, si lui a cru et s'est converti, ça lui donne un précédent pour que lui puisse aussi croire en ce que Paul dit. Et lui aussi peut croire et être frappé de la doctrine de Dieu. Donc, Théophile voit quelqu'un de son rang social, de sa nationalité, se convertir, encore une fois. Comme le centenier qui était chez Corneille. Donc, on voit dans ce passage, que Paul est allé annoncer l'Évangile premièrement aux Juifs, dans les synagogues. Ça va être sa coutume. Il va toujours aller vers les synagogues en général en premier. Et en général, on va voir qu'il va être rejeté dans ces synagogues-là. Mais il va être reçu plus par les non-Juifs. Comme c'est l'exemple ici. Parce qu'il est allé prêcher la parole dans les synagogues, mais il ne nous a rien dit à ce sujet-là. Est-ce qu'il s'en est converti? Peut-être, quelques-uns. Mais on nous raconte ici ce qui s'est passé sur le proconsul, pas parce que le proconsul était quelqu'un de spécial, mais c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de spécial, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Victoire de la parole de Dieu sur la magie. Victoire de la parole de Dieu sur le fils du diable, qui était Élymas. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons faire cela? Est-ce que nous, on peut se permettre de dire à quelqu'un, tu vas devenir aveugle? Est-ce qu'on peut emmener des malédictions sur les gens qui ne veulent pas écouter l'Évangile? En tout cas, il faut être prudent si vous le faites. Prudent dans le sens que si vous le faites et que vous le dites et que ça ne se passe pas, vous allez perdre la crédibilité. Je crois que à ce moment-là, ça a été fait, et pour donner crédibilité à Paul, et tout au long qu'on va voir, à partir du chapitre 13 jusqu'à vers la fin, Paul va gagner une grande crédibilité, et ça va lui donner de la crédibilité pour écrire plus que la moitié du Nouveau Testament. Qui était ce Paul? Un tueur de chrétiens, un blasphémateur de chrétiens, un homme méchant, plein de colère, pharisien. Il dit qu'il est devenu chrétien. Mais maintenant, nous pouvons croire qu'il est chrétien parce qu'on le voit faire. On le voit pas juste prêcher la parole de Dieu, mais on le voit faire taire les faux prophètes, on le voit faire taire les magiciens, on le voit faire des miracles en disant qu'il rend des hommes aveugles. Tout à l'heure, il va en guérir des aveugles ou des malades ou des infirmes, mais il peut en rendre malades et infirmes aussi, par la puissance de l'Esprit qui est en lui. Donc, Paul va gagner en autorité que quand les gens vont recevoir les écrits de Paul, ils vont avoir une grande autorité parmi les chrétiens et parmi l'Église. Et aussi, ça peut aider Théophile à voir comme étant certain les choses qu'il a entendues de la part des croyants. Pour nous, l'autorité nous est donnée par les Écritures. Le Saint-Esprit ne va pas nous diriger, je crois, à rendre des gens aveugles ou les guérir de leur aveuglement, mais le Saint-Esprit va nous choisir, parce qu'il en choisit encore pour qu'il annonce l'Évangile dans des places où il n'y en a pas d'Évangile d'annoncer. Il va les envoyer, il va les accompagner, il va les aider à utiliser les Écritures de ces hommes qui ont écrit, de ces hommes qui ont fait des miracles par grande multitude, d'utiliser leur enseignement pour démontrer, pour avoir l'autorité. Nous n'avons pas beaucoup d'autorité en nous-mêmes. Je dirais même, on n'en a pas du tout. Mais, quand je dis qu'on n'en a pas d'autorité, vous allez voir des hommes qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, qui ont une grande autorité dans le monde. Mais nous, on parle d'une autorité spirituelle, une autorité qui peut amener les gens à être sauvés, à être convertis. On n'en a pas aucune, à part d'être capable de prendre les Écritures et les utiliser intelligemment, sagement, pour emmener l'Évangile selon les besoins duquel Dieu va nous diriger pour annoncer la parole de Dieu. Parce qu'on annonce toujours le même Évangile que Paul. Mais on va le faire de façon différente, parce que notre contexte social, culturel est différent. Donc, mais ayons foi et confiance que l'Esprit-Saint va nous diriger pour faire l'œuvre qu'il nous a appelés à faire. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu nous donnes ici, ce soir, à Théophile et à nous, de voir que Paul, qui a écrit une partie du livre que nous lisons si ardemment, qui est la parole de Dieu, le Nouveau Testament, nous croyons que cet homme-là était choisi de toi et que tu as donné une autorité pour écrire le Nouveau Testament, pour écrire la parole de Dieu qu'on appelle aujourd'hui. Donc, donne-nous de voir ces écrits comme étant une autorité qui devient de toi. Donc, nous disons pas qu'on lit la parole de Paul, mais la parole de Dieu. Nous te demandons que l'Esprit Saint puisse toujours nous guider dans l'apprentissage des Écritures, mais aussi dans l'utilisation des Écritures, afin qu'on puisse dispenser correctement, intelligemment, sagement les Saintes Écritures. Et c'est au nom du Seigneur Jésus que nous te prions. Amen.